Si je vous suis dans votre raisonnement, je vois mal comment ça pourrait être lié à autre chose qu'à une confusion entre l'apparence de la cible et celle de la victime.